Le soleil est de retour, le bleu du ciel avec lui. Après la mort, l'amour, vive Dieu, vive la vie. Fini la colère, le châtiment qui nous a frappés. La paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Le soleil est de retour, le bleu du ciel avec lui. Après la mort, l'amour, vive Dieu, vive la vie. On va travailler, reconstruire un univers nouveau. Chanter et prier pour que le monde soit encore plus beau. Le soleil est de retour, le bleu du ciel avec lui. Après la mort, l'amour, vive Dieu, vive la vie. Fini le blasphème et les crimes de l'humanité. La guerre et la haine, le mépris du prochain, la cruauté. À nous la lumière qui va briller dans la paix de Dieu. Merci notre Père de nous avoir un jour ouvert les yeux. Le soleil est de retour, le bleu du ciel avec lui. Après la mort, l'amour, vive Dieu, vive la vie. Après la mort, l'amour, vive Dieu, vive la vie. C'est fou ce que les marins ressentent, ce besoin de chanter tout le temps. Mais arrête, Philippe, c'est pas un marin. Noé, vous avez sauvé notre terre. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais si tu es là, Dolly, c'est sûrement que tu as quelque chose à me demander, non ? C'est vrai, je cherche la clé de la vie. La clé de la vie ? Mais tout le monde la cherche. Mais seul celui ou celle qui réunira tous les éléments de cette clé pourra dire qu'il l'a vraiment trouvée. Tu sais, la clé de la vie, c'est un chemin, c'est une aventure. Et sur ce chemin, tu m'as rencontré. Il n'y a pas de hasard. En me croisant, tu as connu la générosité. Un des éléments qui t'aidera à trouver la clé de la vie. Vous n'auriez pas plutôt une voiture ? Ah, ça serait bien une voiture, non ? Intérieur cuir, climatisation, avec un GPS pour rentrer à la maison. J'ai terriblement mal aux pattes à force de marcher comme ça. Merci Noé. Avec l'amour d'Adam et Ève, le pardon de Caïn et la générosité qui est la vôtre, je me rapproche de la clé de la vie. Merci Noé, adieu et surtout bravo d'avoir sauvé tous ces animaux. Vite, filons, Dolly. Si le temps tourne encore à l'orage, on va se prendre encore une de ces saucées. Tiens, prends le livre, j'y comprends plus rien, moi. En plus, il est trempé, le livre. Regarde, on n'arrive plus à lire la suite de l'histoire, comme si les mots ne voulaient plus rien dire, comme si c'était une autre langue. Regarde, Flip. C'est quoi cette grande tour sur le dessin ? La tour de Babel. Bah pourquoi tu prends cette voix ? Eh mais j'ai rien dit ! Mais alors si j'ai rien dit ? Et que tu disais rien ? C'est que quelqu'un d'autre a dit quelque chose que tu crois que j'ai dit et qu'il aurait dit à ma place ? C'est donc qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui va débouler dans la chambre et nous foutre la trouille ? Non, je veux pas mourir, je suis jeune, mon poil est brillant, ma truffe en plastique brille comme du plastique. C'est bon, t'as fini tes jérémiades ? Alors, qui parle ? C'est moi. Je suis Nemrod. Je règne sur des descendants de Noé. Le Noé de notre arche de Noé? Oui, des années sont passées. Et pour protéger mon peuple d'un autre déluge, j'ai eu l'idée de faire construire une tour assez haute pour ne pas être noyé sous les flots. Une tour tellement haute qu'elle pourrait toucher le ciel et atteindre Dieu. Un gratte-ciel, quoi. Un gratte-quoi? Et puis que s'est-il passé? Nous parlions tous la même langue sur la terre. Et pour stopper notre projet que Dieu jugeait orgueilleux et arrogant, il multiplia les langues pour que les hommes ne puissent plus se comprendre et communiquer. Alors nous parlions tous des langues différentes. Et la construction de la tour n'a jamais pu être terminée. Mais alors, c'est à cause de cette histoire qu'on parle pas tous la même langue sur la Terre? C'est peut-être la raison, oui.